quoi qu'il faille, ils sont prêts à exécuter des flics. Ça les motiverait un peu plus à faire du vrai taf de police. Plutôt que des contrôles de vitesse, et fils de pute, faut pas de questions. On vit sur le chemin sonné, tant que la paye de fin de mois elle tombe. Insoumis de nature, de toute façon tu connais les bails. Frère des fois et un keuf pour un procès verbal. J'aime pas les fèches, mais pas au point de vouloir partager une cellule avec un sale nègre. Comme Youssouf Fofana, le pire c'est pas d'être en cache, mais d'être avec des macaques. Alors qu'il frise les trois chiffres, la surprise est plus qu'agréable. Et que t'entends éclatin, tu sais qu'il te raconte pas, mieux vaut s'abstenir. Dédicace à Amalek, le coup faut le tenir. Commencer à purger juste avant l'été, c'est le pire, mais avec un peu de chat, tu seras dehors avant fin août. Pour passer devant les gros fils de pute de la 17ème, en espérant que cette fois ces sales bâtards n'auront pas la main lourde. En direct live du Führer Bunker, bah Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. En direct live du Führer Bunker, pas à Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. Le dress code c'est brolique à la ceinture, plus que conseiller autodidacte, sponsorisé par mon couteau et ma bite. La violence la pousse à son paroxysme. La haine de Kassovitz n'est qu'une pâle copie de la Jérusalem, capitale d'Israël. Ça me fait ni chaud ni froid. Je veux juste que Paris devienne pas celle de la Côte d'Ivoire. Y'a beaucoup trop de négros ici, ça gâche le paysage. Le genre de sauvage qui défigure quand tu les dévisages. On s'approprie la culture des afro-américains. Vu à quel point ça les fait chier, disons que c'est un mal pour un bien. 2018 en tout cas, c'est pas l'an béni du rap. Il accouche de grosse merde, sans forcer, sans péridural. 30 points de QI en moyenne, c'est ce qui nous sépare de ces nègres. A chaque fois, je suis surpris quand je relis la prose de Voltaire. Qu'ils soient supérieurs aux singes, ça reste à prouver. Ça serait bénéfique à leur race si avec eux ils s'accouplaient. En direct live du Führer Bunker, bah à Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. En direct live du Führer Bunker, bah à Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. Les boucas que je les aime que comme celui sur le drapeau corse. C'est du bon boulot, pas Al Nosra, mais plutôt ce que font les Birmans en Rohingya. Antisémitisme chrétien et rien. À la fois, j'ai déjà la double culture, pas besoin du métissage. Némésis de la race juive, te grave une chatte sur la joue gauche, nationalisme ethnique. Slobodan Milosevic, militant des droits de l'homme blanc. Et hétéro cisgenre pour palestiniens et sionistes, entre vous réglez vos histoires. J'ai des préoccupations d'ordre civilisationnel. Quand tout ce qui les intéresse résume à qu'est-ce qu'il y a à la télé soir. Tout dans l'apparence et la parlotte, vulgarité sémite. Juif qui parle, bouche qui ment, exception Eric Zemmour. 6 millions, c'est le chiffre magique pour t'extorquer des shekels. Faudra me lâcher un coup de gaz aussi, tu veux que chiale pour la Shoah. Vu que c'est rien d'autre que leur golem, on va baiser l'État. Plus de gens attendent le droit que de baisser les bras. En direct live du Führer Bunker, bah à Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. En direct live du Führer Bunker, bah à Paris Plage. En 2018, c'est le retour de la Svastika. Je suis la bonbonne de Zyklon, dans une bar mitzvah, la preuve vivant que l'homme blanc n'est pas mort à Stalingrad. Stalingrad, putain, quelle tragédie pour nous, ouais. Whiteboard, Sig Heil. Yeah. Zyklon, Bar Mitzvah, l'homme blanc, Stalingrad.